On continue avec un autre album phare, Genesis. Genesis époque Phil Collins, ça date de 75, The Trick of the Tail. C'était l'époque où notre ami Peter Gabriel venait tout juste de quitter le groupe. Et le groupe se cherchait. Et bon, également, les gens l'attendaient un petit peu au tournant. Ils ont été fort surpris parce que cet album est vraiment d'une très très grande classe. Aussi bon, j'ai pas peur de le dire, que de l'époque Gabriel. On s'écoute Entangle, deuxième morceau. Un morceau vraiment superbe également, écrit par Tony Banks, le gars au clavier. Genesis, A Trick of the Tail. Thank you. Docteur, mais que se passe-t-il, Azalée? Vous criez comme une baleine qui a mal aux dents. Oh, regardez, j'ai encore grossi. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Oh, pauvre petite bascule. Oh, aidez-moi, monsieur Maigrux. Aidez-moi à me mettre au régime. Vous aider? Oh, bah, vous voulez que je vous aide? Oh oui. Alors, c'est d'accord. Alors, restez là, hein, et attendez que je vous appelle. Hein. Quoi que vous fassiez, merci d'avance, monsieur Edux. Vous allez voir, je vais lui faire un de ses régimes, alors. Au travail. Nous revoilou 10h30 sur le 90.7 Brume, c'est Bande à part, l'émission du rock progressif, une émission spéciale, donc comme je disais en entrée de jeu, et oui d'habitude c'est le 15 de chaque mois, et aujourd'hui, eh bien on n'est pas le 15, on n'est pas en plein milieu de mois, mais en fin de mois, mais à cause exceptionnelle, moyen exceptionnel, nous avons aujourd'hui l'ami Alain Chiarozzo, notre ami est guitariste du groupe Éclat, anciennement Éclat de Verre, voilà, et bien il est venu pour vous causer du groupe et de ses projets. Alain, salut. Salut Thierry, salut tout le monde donc. Alors, t'es de passage donc à Lyon, explique-moi un petit peu pourquoi t'es à Lyon, qu'est-ce qui se passe, que vous êtes allé faire? Voilà ce qui se passe, c'est qu'en fait de temps en temps je me fais une petite virée promo pour le groupe, donc je pars une petite semaine, là j'étais sur Paris jusqu'à jeudi, vendredi donc on était sur Sens pour une émission radio aussi, et bon ben hier on a un petit peu baladé, et puis donc ce matin ben voilà on atterrit à Radio Brume tranquillou. Alors Éclat de Verre, Éclat maintenant, qu'est-ce que ça devient? Deux albums, un premier paru chez MSI, un petit label l'avait produit à l'origine Multipus, oui, si pas c'est de ça, bêtises, c'est ça. Et un deuxième donc chez Musea. Alors quoi de neuf docteur? Eh bien, ben, là, on est en train de commencer la préparation du troisième. On ne sait pas encore tout à fait s'il sortira chez Musea ou ailleurs. On n'a pas encore prévu vraiment ça. Ce que l'on sait déjà, c'est que ce sera un album un petit peu en collaboration avec Christian Descamps, donc le chanteur d'Ange, qui commence un petit peu à plancher sur les textes futurs. Alors là, j'ai pas encore vu ce qu'il nous a pondu, mais en rentrant, je vais lui passer un petit coup de fil pour savoir où il en est. Et voilà, donc ce sera sans doute un album, j'espère, encore plus abouti que le deuxième. Alors Christian Descamps, c'est intéressant, c'est vraiment quelque chose qui fait frémir dans les chaumières. Ah, j'espère. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la nature de sa collaboration? Est-ce que c'est un nouveau membre? Est-ce qu'il va chanter? Est-ce qu'il va uniquement écrire, composer? Quelle est la part de son intervention? Alors comme il définit lui-même sa participation, il voudrait être un peu notre maître chanteur, mais dans le bon sens du terme donc, hein. Et donc sa collaboration, elle sera, je pense, un petit peu plus que simplement d'écrire nos textes, puisqu'il aimerait aussi s'impliquer un petit peu, donc nous conseiller un petit peu et participer activement, et j'espère de temps en temps aussi qu'il pourra physiquement venir un peu au concert. Ça serait pour nous un honneur et un grand plaisir. Ok. Tu as fait partie également de d'autres groupes. On va un petit peu les annoncer avant d'en passer de longs morceaux. Je crois que t'es un rocker depuis longtemps et oui. tu as fait tes armes dans d'autres groupes. Alors quelques mots pour nos chers auditeurs. Eh bien là, je fête mes 20 ans de rock'n'roll, donc voilà. Ce qui fait que j'ai commencé par jouer donc à monter moi-même le groupe Quartier Nord. Ça c'était en 78, un groupe qui a duré jusqu'en 86 activement, puis par intermittence qui est un petit peu repris, qui fait un petit peu des choses, et là justement va bientôt sortir une compile donc de Quartier Nord avec pas mal d'enregistrements qui regroupent 10 ans de travail pratiquement. Autrement donc j'ai participé aussi pendant 2 ans au groupe Leda Atomica, qui est donc d'un genre un peu différent puisque c'est un groupe de rock plus théâtral, alors que Quartier Nord était plutôt un groupe de hard rock disons un peu parodique, puisqu'il y avait un gros côté Zappa aussi, il n'y avait pas que du hard. Et voilà, sinon, bon, moi, j'ai, sinon je fais pas mal de choses à droite à gauche, un peu de studio, un peu de ci, un peu de ça, quoi, enfin, la vie du musicien courant, quoi. Tu arrives à vivre de ta musique. Oui, donc, bon, je dirais qu'actuellement, je ne vis absolument pas de ce que je fais avec Éclat, on s'en doutera bien. Mais par contre, je vis de musique, oui, dans le sens où je fais pas mal de choses à côté. D'accord. Et Quartier Nord, c'est un groupe de quelle époque ? De quelle époque ? Oui. Oui, ben, je l'ai dit, là, ça a commencé en 78, 78-86. 86, d'accord. Mais ce n'est pas un groupe qu'on peut considérer comme terminé, puisque de temps en temps, il se passe quand même des choses, quoi, bon, des concerts, bon, là, un CD qui sort, enfin, c'est en veilleuse, mais c'est un volcan qui sommeille, en fait. Ok, Alain, on va marquer une petite pause, on va continuer dans notre trip spécial nostalgie avec du Genesis époque Gabriel. Et bon, bah, t'échappes pas, je voudrais avoir ton sentiment sur cette époque, sur l'époque sur ce groupe-là. Qu'est-ce que... Eh bien, bon, bien sûr, je peux dire que c'est l'époque que j'ai préférée, tout en partageant un petit peu ton avis de tout à l'heure, c'est-à-dire que la transition, donc, le départ de Gabriel a été très bien digéré dès l'album qui a suivi. Bon, puis après, bon, on peut dire quand même que Genesis, petit à petit, a un peu changé de cap, quoi. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, et bon, je dois avouer que le Genesis actuel m'intéresse beaucoup moins que celui de cette époque-là. T'es pas le seul. En tant que guitariste, est-ce que je peux me permettre de demander une appréciation sur Steve Hackett ? Ah ben, c'est sûr que Steve Hackett, donc à la fin des années 70, c'était un de mes guitaristes préférés. Non pas par sa technique, mais surtout par sa... maîtrise du son, sa beauté de... Sa sensibilité. Voilà, sa sensibilité, puis la beauté de son jeu et sa façon de chercher des sons très, très doux. Et grand débat de l'époque par rapport à Steve Hove qu'on a entendu tout à l'heure dans Yes. Ouais. Quel est ton point de vue justement et comment tu les positionnes l'un par rapport à l'autre ? Ils sont difficilement comparables parce que justement Steve Hove, lui, ne cherchait pas trop la qualité, la beauté du son, mais plutôt un peu... il faisait plutôt un travail... je dirais plus touffu, donc avec des harmonies un peu plus hardies, enfin, parfois des cascades de notes beaucoup plus brutes. Et ta préférence va où ? Ben, c'est-à-dire, je dois dire que ça dépendait un petit peu des époques. Alors j'ai eu un peu les deux. D'abord, j'ai commencé par bien aimer Steve Hove, parce que justement, il m'impressionnait plus en tant que jeune guitariste. Donc je me disais, pétard, celui-là, il est vraiment très fort. Et ensuite, quand j'ai commencé à apprécier un peu plus aussi le côté travail, sensibilité, j'ai penché vers Steve Hackett. D'accord. Allez, on continue très rapidement avec Robert Fripp, alors guitariste de Crimson. Alors là, Robert Fripp, je dois quand même dire que c'est, bon, des trois, mon préféré. Ah. Autant donc par son travail de compositeur, bien sûr, mais aussi son jeu de guitare qui est absolument unique. Ouais, et sa recherche même. Voilà, voilà. Ouais. Un grand bonhomme. Un grand bonhomme, et en plus, je dirais, constant, c'est-à-dire, même, bon, sa période avec Bowie, tout ça, il a toujours été quand même quelqu'un d'intègre et qui a toujours, toujours eu son style, son son, et bon, depuis au moins 20 ans, il n'a pas bronché. Sais-tu qu'on annonce une reformation de King Crimson ? J'ai entendu ça, mais alors, par contre, c'est au niveau des membres qu'il y a un peu des divergences dans les infos, oui. Alors, selon qui fera partie de Crimson, ça peut être plus ou moins intéressant et motivant, quoi. Bon, en tout cas, on retourne à l'année 73, Selling England by the Pound, Genesis. Down long before

happen until the shepherd leads his flock away. The sands of time where we rode by, the river of Marillion, extrait de Fugazi.

ils progressaient à vitesse grand V par rapport à ceux qui étaient plutôt des fans d'Indochine ou même de The Cure, qui pourtant est un groupe intéressant, mais qui ne va pas très loin, quoi, hein, musicalement parlant, simplement. Alain, on va passer tout de suite à une grande partie italienne pour te faire plaisir et également pour tenir informer nos chers auditeurs. Formula 3, Corte dei Miracoli. Formula 3, bon, c'est leur principal album, le troisième si je dis pas de bêtises, Sognando e Risognando, réédité par nos amis coréens, on en est ravis. C'est superbe, c'est crimsonien à souhait, et j'adore vraiment. Avant, je vais donner le numéro de téléphone, il y a des petites choses à gagner. Et oui, comme chaque émission, on a à cœur de faire découvrir le progressif à nos auditeurs. Donc, en téléphonant 78 89 45 05, un peu moins vite Thierry, 78 89 45 05, on peut gagner, grâce à l'ami Alain, un CD d'éclat. Voilà, pour gagner ce CD d'éclat, c'est facile, il faut répondre quand même à une question. Quel est le pays d'origine d'éclat? Ils viennent d'une grande ville française. Laquelle? C'est vraiment facile. 78 89 45 05. Voilà, et on lance tout de suite Formula 3. Thank you. Voilà, Formula 3, ou en français Formula 3, donc un album de 72, En rêvant et en rêvant encore, c'est la traduction, ça se trouve partout, je l'ai aperçu à la Fnac par exemple, à Flammarion, histoire de vous dire où on peut trouver du progressif, et également, bien sûr chez Musea, notre maître à tous, label et catalogue de vente par correspondance, je reviens pas dessus, je vous fais de la publicité à chaque fois, donc je m'arrête. Par contre, on a parlé d'éclat de verre, de Quartier Nord, il serait peut-être temps quand même d'écouter un morceau d'éclat. Donc, premier album, éclat de verre à l'époque, pas de titre, si j'ai pas de bêtises, mais le morceau, lui, en a un, Rune. Voilà, extrait donc de ce premier opus d'éclat. Thank you.

le vide appelle, ignorant qui se hisse, épris par l'élan de toi les pilotis. Girouette, girouette, en l'air saoulé, ride des visages, sans l'ombre d'un filet. Tour de baguette, sourire pour renaître au monde qui nous guette. Illusion de tout voir et de ne rien savoir. Mais l'aise est ton maître, le maître de ton devoir. Magicien des roulottes, écuyer de la reine. De coupe d'épée pour l'amour sirène. Lâchant le feu et les chaînes désenroulées sur le torse se brise en un souffle étoilé.

fuir. Il te combat à l'opéra, il te rétame jusqu'au coma. Thank you. Quartier Nord, Beaumet-les-Bains, voilà, ça déménage, ça cartonne, mais je vous ferai humblement remarquer que le guitariste, c'est le même. Quelques mots sur ta participation sur un troisième groupe, Leda Atomica. Bon, ça a été un peu plus anecdotique, mais je voudrais qu'un petit peu que nous expliques. Oui, bien, donc, quand Quartier Nord s'est arrêté officiellement, donc en 86, j'ai rencontré donc Fifi, le clavier de Leda, qui à l'époque cherchait à remonter donc un nouveau Leda. Et donc il avait besoin d'un guitariste, bon, et comme on s'entendait bien et qu'il y avait bon, pas mal d'affinités musicales et tout ça, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble, quoi, hein. Moi je savais très bien dès le départ que je ne resterais pas longtemps dans ce contexte, ce qui fait qu'en fait j'ai joué un an et demi à peu près avec Leda, juste le temps donc de participer activement au premier 45 tours, enfin au deuxième 45 tours, ils en avaient sorti un avant. Et ensuite, bon, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti donc de Leda, mais ils ont peut-être un petit peu, bon, par nostalgie ou par réelle sympathie, ils ont toujours fait appel à moi, disons, pour enregistrer en studio. Ce qui fait que je joue sur les deux CD. Bon, il y a des morceaux où il n'y a pas de guitare, et dans Leda, mais enfin les parties guitare qu'on peut entendre donc dans le deuxième CD de Leda, pour la plupart, je les ai enregistrées. Bon, il n'y avait pas que moi, il y avait aussi donc d'autres guitaristes qui ont croisé le chemin un petit peu de Leda. Et voilà, donc j'ai quand même gardé évidemment de bons rapports. Et puis bon, c'est un groupe que je respecte beaucoup parce qu'ils sont sur scène déjà très très compétents dans tout ce qui est visuel. En plus, ils proposent une musique sympa, originale, mais un petit peu loin quand même de ce que je fais, quoi. Est-ce que tu peux définir un petit peu ce style musical? Le style de Leda? Ouais. Eh bien, je dirais que c'est un peu du rock commedia dell'arte, c'est-à-dire il y a beaucoup beaucoup de... Bon, de costumes, ils sont très grimés, ils ont des maquillages impressionnants, et ils utilisent beaucoup le feu aussi. Il y a beaucoup de, bon, de cercles enflammés, de tonneaux, de choses comme ça, avec beaucoup de plastique aussi. Donc c'est un groupe qui se veut urbain, donc il y a beaucoup de métal, de plastique, de choses comme ça. Ils ont beaucoup travaillé aussi avec Générique Vapeur, qui est une formation de théâtre de rue. Et donc Leda jouait sur un gros camion, sur le toit d'un camion, et bon, ça déambulait dans les lieux, tout ça. C'est un trip très particulier, hein. Ouais, c'est un groupe plus scénique que studio, en fait. Tout à fait, tout à fait.